Ils étaient en assez grand nombre, mais l'on dut se réduire au strict nécessaire, dont une excellente carte de Beer et Merdler, la Mappa Selenographica, qui passe à bon droit pour un véritable chef-d'œuvre d'observation et de patience. Ils emportaient aussi 3 rifles et 3 carabines de chasse à système à balles explosives. De plus, de la poudre et du plomb en très grande quantité. Du reste, les instruments de défense personnelle étaient accompagnés de pics, de pioches, de scie à main et autres outils indispensables, sans parler des vêtements convenables à toutes les températures, depuis le froid des régions polaires jusqu'aux chaleurs de la zone torride. Michel Ardan aurait voulu emmener dans son expérience un certain nombre d'animaux, mais après de longues discussions, il fut convenu que les voyageurs se contenteraient d'amener une excellente chienne de chasse appartenant à Nicole et un vigoureux Terre-Neuve d'une force prodigieuse. Plusieurs caisses des graines les plus utiles furent mises au nombre des objets indispensables. Si l'on eût laissé faire Michel Ardan, il aurait emporté aussi quelques sacs de terre pour les y semer. En tout cas, il prit une 12aine d'arbustes qui furent soigneusement enveloppés d'un étui de paille et placés dans un coin du projectile. Restait alors l'importante question des vivres. Barbicane fit si bien qu'il parvint à en prendre pour une année. Conserve de viande et de légumes réduit à leur plus simple volume sous l'action de la presse hydraulique. Il y avait aussi une réserve d'eau de vie et de l'eau pour 2 mois seulement. Lorsque les divers objets eurent été disposés dans le projectile, l'eau, destinée à faire ressort, fut introduite entre ses cloisons et le gaz d'éclairage refoulé dans son récipient. Quant au chlorate de potasse et à la potasse caustique, Barbicane, craignant des retards imprévus en route, en emporta une quantité suffisante pour renouveler l'oxygène et absorber l'acide carbonique pendant 2 mois. Un appareil extrêmement ingénieux et fonctionnant automatiquement, se chargeait de rendre à l'air ses qualités vivifiantes et de le purifier d'une façon complète. Le projectile était donc prêt, il n'y avait plus qu'à le descendre dans la Columbiade. Opération d'ailleurs pleine de difficultés et de périls. L'énorme obus fut amené au sommet de Stone Hill. Là, des grues puissantes le saisirent et le tinrent suspendu au-dessus du puits de métal. Quelques heures après, le wagon projectile descendit doucement dans l'âme du canon, reposé sur sa couche de pyroxyle, un véritable édredon fulminant.